Margarita, 16 ans à peine, des favelas au ciel de la bohème. Margarita, fleur du Brésil, bossa nova, quelque part dans la ville. Tu vis, tu vas, libre comme un oiseau, et la vie va dans les rues de Rio. De Batuca, en Batida, emmène-moi. Margarita, petite fille aux yeux noirs, qui connaît le soleil et la lumière des bars. J'irai où tu voudras, ma princesse aux pieds nus, vivre avec toi les paradis perdus. Margarita, Sainte Marie de la mer, qui danse la samba pour faire danser la terre. J'irai où tu voudras, ma princesse inconnue, vivre avec toi un carnaval de rue. Margarita, parfum d'orage, loin de Bahia, j'ai le cœur au nuage. Margarita, couleur d'avril, dis-moi pourquoi j'ai la tête en exil. Aussi loin de toi, au bout de l'océan, je pense à toi de plus en plus souvent. De Batuca en Batida, emmène-moi. Margarita, petite fille aux yeux noirs, qui connaît le soleil et la lumière des bars. J'irai où tu voudras, ma princesse aux pieds nus, vivre avec toi les paradis perdus. Margarita, Sainte Marie de la mer, qui danse la samba pour faire danser la terre. J'irai où tu voudras, ma princesse inconnue, vivre avec toi un carnaval de rue. Petite fille aux yeux noirs, qui connaît le soleil et la lumière des bars. J'irai où tu voudras, ma princesse aux pieds nus, vivre avec toi les paradis perdus. Margarita, Sainte Marie de la mer, qui danse la samba pour faire danser la terre. J'irai où tu voudras, ma princesse inconnue, vivre avec toi un carnaval de rue.